Ô capitaine, mon capitaine! Assise dos à la banquette qui sera son lit pour la nuit, Faustine savoure l'instant. Popeye n'a pas tout donné à ses danseuses contrairement à ce qu'elle pensait. Il s'active non la carrée sur un antique poêle à bois. En arrivant, il a allumé quelques lampes à pétrole. Elles donnent à l'habitacle une atmosphère chaleureuse et conviviale. Ce soir au menu, morue salée et pommes de terre sautées. Ils ont débouché le vin rouge que Faustine a apporté, un modeste Sidi Brahim, et commencé l'apéro par une grosse poignée de crevettes grises, les meilleures. Faustine ne perd pas une miette de l'expérience. Elle en prend plein la vue, le nez et les oreilles. Depuis le fumet qui s'évade de la casserole en cuivre, en passant par le clip-clap-clop de la mer contre la coque, puis par le tap-tap-tap du yu-yu à l'encre et le flip-flap-flop du tau sur le pont. Le vent est tombé, il n'y a pas de roulis dans le port. Le moment venu, elle devrait dormir comme un bébé, lui promet son hôte. Tout à l'heure, après lui avoir fait les honneurs de son palace flottant, le pont, le carré avec la table et les couchettes, le cabinet de toilette et le coin cuisine, Popeye a installé son invité à portée de vue et de voix, ce qui n'est pas bien difficile vu l'exiguïté des lieux. Il a précisé que son bateau ne possédant qu'un seul mât de foque serait plutôt un sloop qu'un cotre. La jeune femme, qui serait bien en peine de distinguer un foque d'une otarie, ne commente pas, regarde autour d'elle. C'est formidablement rationnel l'habitacle d'un bateau. Savoir tirer parti de tout le potentiel témoigne d'un esprit méthodique et judicieux. Faustine apprécie. Non seulement chaque endroit est savamment utilisé, mais même les décorations sont astucieuses. Ici, les cartes géographiques dominent. Là, on trouve des cartes postales de tous les continents. Si on évalue l'équilibre d'un être à l'ordre qui règne chez lui, Popeye doit être au top de la stabilité mentale. Toutefois, lancé dans de bruyants monologues, il arrive que son enthousiasme et son exubérance fassent un peu peur à la jeune femme. Est-il vraiment normal, cet homme-là, ou bien sécrète-t-il un brin de folie à force de vivre seul dans un espace restreint? Dans quoi s'est-elle encore fourrée? A-t-elle eu raison d'accepter de passer la nuit à bord? Elle se rassure très vite. Son hôte ne montre toujours que l'aplomb et la désinvolture de celui qui a beaucoup vécu et ne juge plus nécessaire de rendre des comptes. Encore moins de justifier ou prouver quoi que ce soit. Pour Faustine, cet extraterrestre, un tantinet hâbleur, lui donne une belle leçon de vie. Vivement qu'elle en arrive à ce stade elle-même. Une heure plus tard, elle a torché son aquarelle jusqu'à la dernière particule de morue. Jamais de sa jeune existence elle n'a mangé meilleur poisson. Et cuit au feu de bois, s'il vous plaît. Pour le dessert, on se contentera de yaourt. Mais est-il réellement nécessaire? Pendant tout le repas, Popeye a évoqué sa vie sur l'eau. Depuis son apprentissage en tant que mousse à 13 ans, il a monté les échelons comme tout un chacun, sans jamais passer capitaine, préférant sa liberté. Quand il a eu quelques économies, il s'est acheté ce bateau. Il est devenu skipper, croisant longtemps dans les mers du sud, faisant son beurre avec de riches vacanciers qu'il convoyait d'île en île. « Jamais marié? Jamais d'enfant ?» interroge Faustine. « Non, non, pas eu l'occasion, pas trouvé, pas le temps. C'est maintenant que j'aimerais bien, mais j'ai 78 ans et ça commence à devenir difficile. » Pourtant, je suis encore capable d'apprendre à naviguer à ma compagne. Et devenue veuve, elle hériterait de mon bateau. Elle aurait le monde à ses palmes. Ça fait longtemps que tu cherches, demande la jeune femme, pour faire diversion. Oh oui, plusieurs années. Bien sûr, il m'est arrivé d'avoir de la chance, de rencontrer quelqu'une qui voulait bien vivre ici. Seulement, voilà, au bout d'un moment, elle s'ennuyait et inévitablement posait son ultimatum. Tu vends et on achète une vraie maison. Et moi, je refusais. Je ne voulais pas la suivre. Les maisons en dur, les rosiers, la tondeuse, la télévision, l'aspirateur à les supermarchés, C'est vraiment pas ma tasse de thé. Ma vérité est ailleurs, poursuit-il en rigolant. Ah, si seulement il avait 50 ans de moins, pense Faustine. Ça, c'est une vie qui m'aurait plu. Mais si c'est pour se retrouver veuve dans 15 ou 20 ans, sans enfant, non merci. Popeye tente de défendre son point de vue. Décrochant un calendrier de la paroi, il désigne les croix vertes et rouges tracées dessus. Tu vois les vertes? C'est tous les matins que je me réveille avec le bâton. Le bâton? Demande Faustine naïvement. Oui, le bâton, la trique, quand je suis en forme, quoi. Ah, je comprends, murmure la jeune fille, en voyant que le verre domine largement. C'est chouette, ça. Bravo, approuve-t-elle gracieusement. Ben oui, celle qui viendra vivre ici n'aura pas à se plaindre sur ce plan. Et je te souhaite sincèrement de trouver quelqu'un très vite. Comme je te l'ai écrit, je ne suis pas tout à fait libre. Mais tu avais l'air tellement sympa que j'ai eu envie de faire ta connaissance. Je sais, c'est gentil. Et dommage en même temps. Tiens, à propos des lettres, je vais t'en montrer quelques-unes, reprend Popeye, sortant un gros carton de dessous sa couchette. Il en extraire les réponses à ses annonces qu'il commence à lire. Mon Dieu, que de solitude en ce bas monde, pense Faustine, par-devers elle. Dommage autant qu'étrange qu'aucune n'ait voulu rester. De plusieurs missives tombent des photos dénudées. Il faut oser quand même, se dit la jeune fille un peu choquée. Surtout qu'à la place de certaines, on va se coucher, il est tard, j'ai sommeil. Faustine dort effectivement comme un bébé, en sécurité dans sa couchette cocon, doucement bercée par le ressac. C'est un rayon de soleil à travers le hublot qui vient lui chatouiller la narine gauche. Popeye, levé à l'aube, il n'a pas dit dans quel état, lui apporte son café dès qu'elle ouvre un œil. Aujourd'hui, on va se balader en voiture, ensuite je te raccompagne. De fait, après un copieux petit déjeuner, les deux complices reprennent le you-you et rejoignent le port. Dans un garage souterrain, ils retrouvent le carrosse du marin, un antique véhicule Mercedes Hardtop Sedan 300 SL. Son seul bien sur cette terre, à défaut de maison. Popeye, fier comme Artaban, installe son invité à la place du mort. Où veux-tu aller ? Au fin de la garoupe ? C'est parti. Hélas, la voiture est si basse de plancher qu'elle n'apprécie pas du tout la route caoutchouteuse qui conduit là-haut. À tout moment, Faustine s'attend à ce que le réservoir soit transpercé. Enfin, Popeye décide de terminer à pied. Pauvre Faustine dans ses petits souliers. Heureusement, la vue extraordinaire la dédommage vite de ses efforts et de ses ampoules. Popeye, toujours en verve, se fait une joie d'étoffer ses connaissances géographiques et maritimes, expliquant vents et courants, avant de terminer sur une étude comparative des caps méditerranéens. Il se sépare à la nuit tombante après un dernier expresso au grand café. Longtemps, Faustine se demandera ce qu'aurait été sa vie si elle avait accepté la proposition de Popeye et lié leur destinée.